mobali bakota kate nzambe oyanga na eto etalise biso mibale ebonga ebeba ebeba ebonga koka mwatende ko ezali vipive ya bato Oh, la marmite d'autrui, vous avez raison. Faut pas regarder, yé yé yé, ce qu'il y a dedans. On ne sait jamais, hein. Si c'est à goûter, si c'est la sauce au caméléon. L'ikamboya l'amour et koye la locola, c'est d'auto. Ce qui est collé, et comme un calocola négabo. Talana miso, dit privé à bateau. Kamu atende ko e bandana damu na e vae Katolinga nae, Olivale, ya Katolinga nae.